C'est Ah, la fille. voilà, t'as une voix que je ne supporte pas. Désolé, quand je suis nerveux, j'ai effectivement les cordes vocales Ta qui ont un peu gueule. tendance. Docteur Carlito écrit avec ses mots, mais c'est qu'il a une voix d'alcoolo. Ses icônes sont pas les meilleurs audio, mais t'inquiète, ils ont un vrai boulot. En abat des bébés bruts, c'est si horrible qu'il en fait des cauchemars nocturnes. S'il avait pas eu papa, il n'aurait jamais sorti quoi que ce soit. Ce qui marche le mieux, c'est la simplicité. Je suis pas sûr que Blanche-Neige voulait baiser simple. Trois accords et une voix, j'y crois pas. Un peu comme une seconde, le bleu. Un chouïa. Comme on entend sur Virgin Radio, il mérite pas qu'on interrompe l'apéro. À moins d'être complètement arraché, y'a pas moyen que j'écoute Christophe Barré. Sur le rap français du moment, y'a rien qui vaut d'y passer du temps. Y'a trop de merde à citer que je lis, attarde pas. Et si tu ne crois pas, bah écoute ou pas. Docteur Carlito fait pas plus haut son cul, il chante pour la passion sans perdre de calcul. C'est sûr il fait pas ça pour le blé, mais si on lui file, il va pas refuser. La gueule. Ferme-la ta gueule, on entend toi, ta gueule. Ferme-la ta gueule, on entend toi, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, on entend toi, ta gueule, ta gueule. Ferme-la ta gueule, on entend toi, ta gueule, enculé, ta gueule, bata, ta gueule, enculé. Ta gueule, ta gueule, ferme-la, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule.